Chapitre 6e. Riri la Jolie. À cette heure, dans l'avenue de Clichy, entre Montmartre et les Batignolles, la foule n'est pas aussi élégante que sur les boulevards qu'arpentaient les deux frères, mais elle est plus dense, plus houleuse. Elle s'est modifiée. C'est le petit bourgeois, l'employé, qui la constitue, surtout l'ouvrier. Tout ce monde, descendant du métro, du tramway, remontant à pied, se hâte vers le logis où attend le repas du soir, après la journée bien gagnée au bureau, à l'atelier, au magasin. Dans cette foule, un brave ouvrier, casquette crânement posée sur l'oreille, vêtu simplement mais proprement d'un veston, d'un large pantalon de velours, se faisait un chemin. Il tenait d'une main un petit garçon, de l'autre un filet plein de provisions que dépassaient un gros pain et une bouteille de vin. À côté de lui, sa femme, jeune encore, fraîche sinon jolie, ayant le sourire clair des femmes du peuple de Paris qu'on ne retrouve nulle part. Elle portait dans ses bras une petite fille. Tout à coup, l'ouvrier poussa un cri de surprise. « Ah, par exemple, vous, docteur, vous, à cette heure, dans notre quartier. »« Vous, mon bon Fernand, comment ça va-t-il »« Bien, docteur. Pardon si je suis étonné de vous rencontrer par ici. C'est surtout à cause du plaisir de vous voir. Car si vous êtes dans ce quartier populaire, c'est que, probablement, vous venez soigner quelque pauvre diable, comme c'est votre habitude. » Le docteur serra la main que lui tendait l'ouvrier, salua la jeune femme et fit une caresse à la petite fille. « C'est votre malade, docteur, » dit Fernand. « Il n'y paraît plus, hein ? Ah, vous l'avez bien soigné, la chérie. Vous l'avez sauvé. »« Oui, docteur, » dit la jeune femme. « On peut dire que si nous l'avons encore, c'est à vous que nous le devons. »« Mais non, mes amis, les médecins ne font que seconder la nature. La preuve, voyez, depuis que je ne m'en occupe plus, comme elle va bien. »« Nous vous serons quand même toujours reconnaissants, sa mère et moi. » Le docteur allait encore se défendre quand une bande d'enfants passa, hurlant, criant. « Eh oh, Carabosse, Carabosse !» Fernand se retourna vivement. « Encore ces garnements ? » s'écria-t-il, étendant son filet à son fils. « Garde ça. Pardon, docteur, je reviens. » Il courut au gamin, distribua quelques taloches dans le tas, mit la bande en fuite. Puis, pendant que de loin les gamins criaient encore « Carabosse !», il prit par la main une pauvre infirme bossue, vêtue misérablement, qui se tenait apeurée contre une porte. « N'ayez plus peur, mademoiselle Marie, » dit-il. « Venez, rentrez maintenant. Dans le passage, on ne vous dira plus rien. »« Merci, monsieur Fernand, » dit l'infirme. « Merci, vous êtes bon. » Il la conduisit jusqu'au passage Ganneron, la suivit un moment des yeux, et rassuré, revint à sa femme, au docteur. « Pardon, monsieur le docteur. Vous savez, ah, ma femme vous a expliqué, ce sont des gens que nous aimons bien, qui ne méritent pas leur malheur. » Une fille bossue, une mère paralysée, mourante ou à peu près. Le docteur demanda « Qui soigne la mère ?» Fernand s'écria « Qui la soigne ? Qui voulez-vous qui la soigne ? Elle est trop pauvre. » Mais Fernand s'arrêta, comprenant qu'il allait dire une sottise. D'autant plus que le docteur eut un triste sourire et lui demanda simplement « Est-ce que vous pourriez me conduire chez elle ?»« Quoi, vous ? Vous, monsieur le docteur ? C'est vrai, vous ? Il n'y a que vous pour... » « Pardon, je suis un peu bête. J'oubliais que le docteur Robert a soigné mon enfant à moi, simple ouvrier. Que le docteur Robert a autant de cœur que de savoir, pardon. Puisque vous le voulez, oui, je vous conduirai chez ces braves gens. Quand le pourrez-vous ? » ?»« Tout de suite, il ne faut jamais faire attendre qui souffre. »« Ça va, monsieur le docteur, merci pour eux, merci. » Fernand dit alors à sa femme, « Rentre avec les gosses, je vais revenir. » La jeune femme remercia encore le docteur pour les soins qu'il donna à sa petite fille, pour la bonne œuvre qu'il allait accomplir, puis descendit l'avenue de Clichy, tandis que Fernand avec le docteur Robert entrait dans le passage Ganneron. Chemin faisant, Fernand dit au docteur « Pardon, monsieur le docteur, je n'ai pas vu tout d'abord que vous étiez en grand deuil. J'ai perdu mon père il y a quelques jours. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. » Le docteur s'étonna de voir que Fernand ignorait la mort du banquier Montreuil, dont tous les journaux avaient cependant parlé. Il demanda à l'ouvrier, non sans anxiété, « Vous ne lisez donc pas les journaux, pour n'avoir pas vu la mort de mon père, ou bien vous ne savez plus mon nom ? Pardon, votre nom je ne l'oublierai jamais, vous êtes le docteur Robert ?»« Oui, » fit Robert, « c'est cela, je suis le docteur Robert. » C'est ainsi qu'à l'hôpital où Fernand conduisit en consultation son enfant malade, on nommait le docteur Montreuil, par amitié, par sympathie, suivant l'habitude des internes, des amis qui ne le désignaient pas autrement. Il était devenu le docteur Robert. Pour les malheureux qu'il soignait, cela semblait meilleur, plus simple, plus à portée d'eux, de l'appeler ainsi de son prénom. Et ce prénom se gravait mieux dans leur cœur reconnaissant. On ne connaissait pas le docteur Montreuil. Mais le docteur Robert était populaire parmi les malheureux, parmi ceux qui souffraient. Et en ce moment, le docteur Montreuil pensa qu'il valait mieux qu'il en fût ainsi, qu'on ignorât son nom de famille, qu'il restât le docteur Robert. Le passage Ganneron est sombre, triste. C'est une des vieilles rues appelées à disparaître. Des maisons noires, lugubres, le composent. Devant une des plus navrantes demeures, Fernand s'arrêta. C'est là. Voyez quelle misère. Bien triste, en effet. D'autant plus que Madame Ménardier était une femme du monde, riche autrefois. Son mari occupait une brillante situation dans les affaires, la banque, la bourse. Mais il a été volé, dépouillé par un de ses amis. Il est mort de chagrin. On dit même qu'il s'est tué chez son ancien ami. Depuis, voilà où sont tombées sa femme, ses deux filles. Car avec la bossue que vous avez vue, il y en a une autre, qui est ouvrière. Montons, dit Robert, montrez-moi le chemin. Fernand et le docteur s'engagèrent dans le vestibule de la maison et commencèrent l'ascension d'un escalier gras, humide, plein de relents âcres qui prenaient à la gorge. Sur le palier du sixième étage, Fernand dit à Robert « Je vais d'abord, monsieur le docteur, voir Madame Ménardier et la préparer à votre visite. Je vous demanderai de m'attendre quelques minutes avec Mademoiselle Marie. Faites, mon ami, pour le mieux. » Fernand frappa la porte d'une façon assurément convenue. Lui fut peu après entr'ouvert. « Vous, monsieur Fernand ?» dit la bossue. « Chut, ne vous alarmez pas. C'est monsieur le docteur Robert dont nous avons tant parlé qui est avec moi. » « Le docteur Robert, mais monsieur Fernand, vous savez bien que nous ne pouvons pas. Ne vous occupez pas de ça. Je vais parler d'abord à votre mère, lui annoncer la visite du docteur. » Fernand connaissait les êtres de la maison. Il conduisit Robert dans la chambre des jeunes filles, puis il se dirigea chez la malade. La bossue dit alors à Robert « Oh, docteur, nous connaissons par Fernand votre savoir, votre bonté. Laissez-moi vous remercier d'être venu dans notre misérable logis, de vouloir bien vous intéresser à des pauvres comme nous, à notre infortunée mère. « Attendez, mademoiselle, fit Robert en souriant, attendez que j'aie au moins vu la malade pour me remercier. » Machinalement, Robert avait jeté les yeux dans cette petite chambre, éprouvait une grande surprise. C'était une pièce étroite, basse, mansardée, n'ayant qu'une petite fenêtre percée dans le toit. Cependant, la grâce, le charme qui émane des jeunes filles mettaient dans ce taudis des notes claires, cachaient la détresse, avec des riens, des morceaux d'étoffe, fausses coupes de l'atelier, des bouts de dentelle. Les deux sœurs, adroitement, avaient confectionné un brise-bise, un dessus de lit, fabriqué des petits coussins qui masquaient la paille des chaises communes. La bossue peignait sur porcelaine et sur les sacs de bonbons. Elle avait peint des panneaux de fleurs que des galons encadraient et retenaient au mur et qui empêchaient de voir l'usure du vilain papier. Tout dans la chambre était bien ordonné et d'une propreté méticuleuse. Les yeux de Robert furent attirés par un médaillon de plâtre accroché au mur et entouré d'une guirlande de fleurs artificielles. Robert s'approcha du médaillon. Il le regarda attentivement. Alors, il éprouva un saisissement profond. Il ressentit un choc à la poitrine. Il lui sembla que l'air lui manquait, que son cœur s'arrêtait. « C'est le portrait de ma sœur, » dit la bossue. « Votre sœur ? » s'écria Robert surpris. « C'est votre sœur ? Ma sœur Henriette ? Qu'on appelle Riri, Riri la jolie. Riri, c'est votre sœur, Riri. C'est un de nos bons amis, un jeune sculpteur, Paul, notre voisin, un peu notre parent, qui a fait ce médaillon. Moi, je trouve que c'est très ressemblant. Mais Riri est encore plus jolie que cela. » Fernand, qui parut, coupa la parole à Marie. « Vous pouvez venir, monsieur le docteur. J'ai fini par faire entendre raison à Madame Ménardier. » Il entraîna Robert, qui, la tête en feu, le cœur maintenant battant à tout rompre, se disait tout bas. « Je suis chez Riri, Riri la jolie, Riri que j'aime. » Dans une pièce semblable à celle-ci, ornée de même, sur un lit bas en fer, une vieille femme au visage amaigri, aux pommettes saillantes, les yeux luisants de fièvre, s'accoudait péniblement aux oreillers. C'était la mère, Madame Ménardier, la mère de Marie la Bossue et de Riri la jolie. Une lampe à pétrole éclairait la malade. Robert n'eut pas besoin de regarder longtemps pour deviner le triste état de la pauvre femme, pour voir que ses jours étaient comptés. « Ah, docteur, » dit-elle d'une voix à peine perceptible, « notre brave Fernand abuse de votre bonté, de votre charité. Il me force à contracter aussi envers vous une dette de reconnaissance que je ne pourrais payer. » Là, Madame Ménardier, s'écria Fernand, je vous ai dit que le docteur Robert ne veut pas, sous peine de le fâcher, qu'on lui parle de sa bonté. Madame, mon ami Fernand aurait raison s'il n'appelait bonté ce qui, pour tout médecin, est simplement le devoir. Fernand alors serra la main que lui tendait le docteur. Il prit celle de la malade en souhaitant bon espoir, et après un cordial au revoir à Marie, il se sauva, heureux d'avoir contribué à cette action. Et la casquette sur l'oreille, certain que son docteur allait accomplir un miracle pour cette mère comme pour sa fille, il courut retrouver sa femme et ses enfants. Robert se mit à étudier la malade, mais il ne tenait pas à demeurer longtemps dans cette maison. Il éprouvait ici une sensation toute particulière que jamais encore il n'avait ressentie ailleurs, sensation à la fois de gêne et de plaisir, dont il lui était impossible de préciser le caractère, mais qui l'inquiétait tout en le charmant. Certes, bien des fois il s'était trouvé auprès de malades aussi à plaindre que Madame Ménardier. Il connaissait des logis plus tristes encore, des misères plus navrantes. Ce n'était donc ni le cadre, ni la bossue, ni la mère mourante qui troublait ainsi Robert. Ce qui l'impressionnait, c'était, entre sa guirlande de fleurs artificielles, accroché au mur, le médaillon. Le médaillon de plâtre qui, comme une étoile radieuse, brillait dans la nuit de cette demeure attristée. C'était cette figure admirable, cette pureté de ligne. C'était aussi le reflet d'or qu'il ajoutait aux cheveux, l'éclat violet qu'il mettait en son regard et le sourire rosé à cette bouche dont le sculpteur n'avait pu exprimer tout le charme. Puis, tout en écoutant la voix faible de la malade, Robert se disait « Voici l'heure où Riri revient de l'atelier. » Or, Robert ne pouvait pas, ici, voir Riri. Il ne voulait pas se trouver ici quand Riri rentrerait de l'atelier, quand elle remonterait de la rue de la Paix, où, tout à l'heure, lui, Robert, se trouvait anxieux, ému, cherchant quelqu'un parmi les groupes joyeux des Midinettes. Il était venu dans cette maison sans savoir quel malade il allait voir, sans se douter en aucune façon que Fernand le conduisait auprès de la mère de Riri. Cependant, par un scrupule de conscience, il ne voulait pas que Riri le vît ici, qu'elle pût supposer qu'il s'était servi de son titre de médecin pour pénétrer dans cette maison de malades pauvres. Il tremblait à l'idée que Riri pouvait croire qu'il offrait ses services dans un but intéressé, qu'il soignait la mère malheureuse, espérant trouver la récompense de son dévouement auprès de la fille de Riri la Jolie. Non, il ne voulait pas être ici quand Riri rentrerait, et cependant, il lui donnait une année de sa vie pour que Riri rentrât à l'instant. Cruelle alternative. Comme l'homme en pareille circonstance où sa volonté lui échappe, redevient fataliste, Robert s'en remit au hasard. Il décida de partir tout en retardant le plus possible le moment de l'éloignement. Il tira son portefeuille, prit une feuille du bloc-notes et arma son stylographe. « Je vais vous tracer une ordonnance. »« Mais, docteur, » protesta Marie, « je ne sais... » « Oui, mademoiselle, il le faut. Un médecin qui ne trace pas une ordonnance n'a pas l'air d'un vrai médecin. D'ailleurs, cette ordonnance est pour vous. »« Pour moi ?»« Elle ne contient que des instructions. La façon dont vous ferez prendre les remèdes à madame votre mère. Quant aux remèdes, ne vous dérangez pas, on les apportera. »« Mais, docteur, c'est que c'est tout ce qui vous concerne, mademoiselle. Soignez votre mère, je reviendrai demain. Bon courage. » Et ne voulant pas écouter les remerciements, il se dirigea vers la porte. Il descendit l'escalier gluant, traversa le passage qui tout à l'heure lui paraissait sombre et qui maintenant lui semblait avoir des reflets dorés, des lueurs violettes, et être illuminé par les cheveux, par les yeux de Riri, le sourire de Riri la Jolie. Il marchait dans son rêve quand il se heurta un homme dont le cri de surprise le rappela à la réalité. « Robert, toi ?» Le docteur, non moins étonné, répliqua « Raoul, toi ?» Comme tout à l'heure en bas dans la rue de la Paix, les deux frères se regardèrent avec la plus grande émotion. « Quel hasard !» finit par dire Raoul. « Nous nous rencontrons donc aujourd'hui dans tous les coins de Paris. »« Il paraît. »« Qu'est-ce que tu viens faire près du passage Ganneron ?»« Je viens de voir une malade, mais toi ?»« Je viens de remettre un mot chez un client. »« Ah ?» Robert disait vrai, mais il n'en était pas de même de Raoul. Les avocats n'ont pas l'habitude de porter ainsi des mots chez leurs clients. mais Robert était encore trop troublé pour s'apercevoir de l'invraisemblance de la réponse de son frère. Il lui prit le bras, l'entraîna, heureux de trouver une diversion à l'angoisse qui l'étreignait. Sans plus rien dire, les deux frères se dirigeaient vers la place de Clichy quand ils tressaillirent, s'arrêtèrent, en apercevant, venant dans leur sens, trois jeunes ouvrières. Deux étaient gentilles, certes, et fraîches, mais n'offraient en dehors de leur jeunesse rien de particulièrement remarquable. La troisième, au contraire, longue, souple, d'une démarche gracieuse, semblait jeter sur ses deux compagnes le rayonnement de sa merveilleuse beauté. Sous un chapeau simple et coquet comme savent seuls les créer les doigts des Parisiennes, un visage d'une pureté de ligne idéale qu'encadraient des cheveux en mousse d'or qu'éclairaient de grands yeux mauves. Arrivés devant le passage Ganneron, les trois amis s'arrêtèrent, s'embrassèrent. « À demain, Riri !»« Oui, à demain !» Et pendant que ses amis reprenaient leur marche, Riri se précipitait en courant dans le passage, se hâtait d'aller rejoindre sa mère malade, sa sœur Marie la Carabosse. Robert et Raoul suivirent ce charmant petit manège. Ils demeurèrent comme fascinés, au même endroit, regardant ce passage sombre où venait de pénétrer avec Riri tant de jeunesse, tant de beauté, tant de charme. Tout à coup, ils sursautèrent, et avec un déchirement dans la poitrine, ils s'écrièrent « Lui ?» Une voiture venait à quelques pas de s'arrêter devant le trottoir. De cette voiture sauta le comte de la Guérinière, qui lestement s'engouffra dans le passage où venait d'entrer Riri la Jolie. À ce moment, d'un bar voisin sortit un brave ouvrier vêtu d'un bourgeron, sur lequel il avait passé une sorte de paletot sans couleur, mais avec force reprise, d'un large pantalon, et portant accroché à l'épaule la lourde boîte des zingueurs. L'homme paraissait avoir touché une quinzaine et célébrait cette aubaine par des arrêts dans les bars du chemin. En ce moment, il chantait une scie corporative dont le refrain disait avec plus de vérité, hélas, que d'esprit « C'est pour ceux qui travaillent le zinc qu'on met partout des manzingues. » Comme il passait devant les deux frères, il s'arrêta, semblant surpris de trouver des bourgeois bien habillés dans ce flot populaire, et sans doute poussé par une idée de joyeux pochard, il tira solennellement sa casquette et les salua majestueusement. Puis il reprit son chemin et alors entonna fièrement le chant martial. « La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière. » Agitant les bras, marchant avec langage et roulis, il se dirigea vers le passage Ganneron, chantant encore « La victoire, en chantant. » Et il disparut dans la pénombre qui venait de dévorer Riri et derrière elle, le galant comte de la Guérinière. Sa grosse voix ne répétait plus que « La victoire, la victoire. » Comme dans la rue de la Paix après le départ du vieux professeur de province, les deux frères, surpris, se ressaisirent. « Paulin Broquet !» firent-ils. Ils venaient de comprendre, de deviner. « Paulin Broquet !» dit Raoul. « Nous avertit encore que notre devoir nous appelle rue Notre-Dame des Victoires. » Tous deux, ils pensèrent, chacun de son côté. « Et que nous devons accomplir notre mission avant de nous occuper des petites ouvrières, fussent-elles jolies comme cette adorable Riri. »